إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdoulillah, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, avec mes frères. Et j'ai traversé l'Atlantique pour yani, pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, alhamdoulillah, pour passer avec vous quelques heures, quelques jours, et parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, de la Sunna et de la voie des salaf salih, et de la parole des ulama de l'islam, de lire ensemble quelques rappels, des rappels de qu'est-ce que les ulama ont laissé pour nous, de ilm et de guidance. Et alhamdoulillah, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est as-sabat ala sunna, le fait de rester ferme sur la sunna, c'est-à-dire la fermeté, as-sabat, de rester solidement ancré sur la sunna, de rester ferme, de ne pas être secoué par les événements, par les tribulations, par les fitanes, par les problèmes, par les troubles. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque ou qu'est-ce qu'on constate souvent, c'est que les gens s'imaginent que lorsqu'ils entrent dans l'islam ou lorsqu'ils entrent dans l'iltizam, le fait de commencer à pratiquer la religion, lorsqu'ils rentrent dans la sunna et l'application de la sunna, ils s'imaginent que ça y est. Et allez, ils sont sauvés ou bien ils ont trouvé la vérité, ça y est, alhamdoulilah. Vous entendez souvent ça de la part de certaines personnes qui rentrent dans l'islam, qui ont quitté le kufr et le shirk et qui sont rentrées dans l'islam en disant « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Ils disent, ça y est, maintenant je suis musulman, alhamdoulilah, je suis sauvé. Et vous avez des frères, alhamdoulilah, ils étaient dans l'égarement, dans l'ignorance, dans le péché, ou dans la bid'a, ou dans la hizbiya, ou dans les turq soufiya, ou dans d'autres formes d'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à la sunna. Et donc ils disent, ça y est, alhamdoulilah, maintenant c'est réglé. J'ai trouvé la bonne voie. Et ils pensent que le travail est terminé. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est à partir du moment où tu es devenu musulman, c'est à partir du moment où tu es embarqué sur la sunna, c'est à partir de ce moment-là que le travail commence. C'est à partir de ce moment-là que tu dois faire preuve de sabat, de fermeté, hein, pour être capable de rester accroché à cet islam, de rester accroché à cette sunna. Et c'est donc là que le test, ton test, commence à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire avec vous ce livre, As-Sabat ala Sunna, qui est un petit livre très court, qui est écrit par le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Et c'est une muhadra ou une nasiha que le cheikh a donné par téléphone à certains frères, certains toulab al-ilm, et elle a été mise par écrit. Et donc, alhamdoulilah, on va lire cette muhadara que le cheikh a donné ensemble et on va expliquer un petit peu sa signification en français, inshallah. Donc, on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce travail, hein, et qu'il nous supporte dans cette tentative de rapprochement des sens du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama de notre ummah. Donc, le cheikh il dit, inna sabat ala sunnah معناه الثبات على الإسلام بكليته أصوله وفروعه عقائده ومناهجه نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله تبارك وتعالى والآيات الحاسة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة كثيرة والأحاديث كذلك ترمي كلها إلى غاية واحدة وهي ثبات المسلمين على الإسلام وإذا قلنا الثبات على السنة ليس المراد فقط ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنة فإن السنة هنا تعني العقيدة والمنهج وتعني الإسلام وتعني الثبات على الإسلام. Donc le cheikh il commence en disant que le fait de rester ferme, fermement accroché sur la sunna, d'avoir les pieds fermes sur la sunna, ça signifie en réalité de rester ferme sur l'islam. Dans ses fondements et dans tout ce qui découle de ses fondements, et dans sa croyance et dans sa aqida, dans ce qui est relié à la croyance, et au dogme, et dans ce qui est relié au manahij également, à la méthodologie que tu utilises pour suivre cette sunna et cet islam, et de rester ferme et accroché à ceci jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste de dire ça y est, aujourd'hui je suis sur la sunna, je suis salafi, alhamdulillah, hein, et que tu penses que ça y est, le tour est joué. Non, maintenant tu dois rester salafi jusqu'à ta mort, et tu dois t'accrocher sur la sunna jusqu'à ta mort, t'accrocher sur cette aqida jusqu'à ta mort, et à ce manhaj jusqu'à ta mort. Et les ayat qui incitent les musulmans à suivre, et à rester ferme, et à s'accrocher fermement, et à rester droit, hein, qu'est-ce qu'on dit, al-ittiba, le fait de suivre, al-iltizam, hein, le fait de respecter et de prendre les ordres et les règles de l'islam, al-i'tisam, c'est-à-dire de s'accrocher fermement, al-istiqama, de se mettre droit, hein. Tout ça, il y a plein de hadiths qui nous incitent à ça, hein. Et ils nous ramènent tous à un seul but et un seul objectif, c'est que les musulmans restent sur l'islam. C'est pas juste d'entrer dans l'islam, puis quelques années après, tu sors de cette religion, tu apostasies, hein, que Allah nous protège, une chose pareille, ou bien que tu commences à pratiquer la sunna et que tu découvres la da'wah salafiyya et que tu dis alhamdoulilah, c'est quelque chose de bon, et puis quelques années après tu laisses tomber, tu te négliges, tu te laisses aller, hein, c'est pas ça. Donc il faut non seulement être sur cette voie aujourd'hui, mais rester sur cette voie et être fermement ancré, hein, dans sa pratique et dans sa compréhension et dans sa façon de suivre ce manhaj. Le cheikh il dit, et lorsqu'on dit le fait de rester ferme sur la sunna, ça ne signifie pas ce que certains peuvent comprendre par le fait de rester sur la sunna, comme certains s'imaginent que peut-être la sunna c'est uniquement de faire ce qui est recommandé dans la religion, et par exemple qu'est-ce qui est mustahab, qu'on dit dans le langage des fuqaha, hein, qu'est-ce qui est recommandé de faire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire de faire. C'est pas ça ce qu'on veut dire par le terme sunna ici. Quand on utilise le terme sunna ici, on parle de l'islam en entier. On parle de la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en entier, de tout ce qu'il a ramené de l'islam au complet dans la sharia, hein. Et on parle également de la aqida et du manhaj et de tout ce que ça comprend et de tout ce que ça implique. Donc, ça signifie en fait, quand on dit la sunna, ça signifie l'islam en entier. Et donc, il faut rester accroché sur ça. Le cheikh il dit ensuite, وَهَذَا الثَّبَاتُ بِتَوْفِيقٍ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْهِدَايَةُ بِيَدِهِ وَالْإِضْلَالُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ يُثَبِّتُ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِيغُ قَلْبَ مَنْ يَشَاءُ وَلِهَذَا عَلَّمَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن ندعوه بأن لا يزيغ قلوبنا. Le cheikh il dit, et cette fermeté sur sa religion, sur cette religion, ça vient uniquement par le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawfiq, c'est-à-dire le fait de réussir à rester accroché sur cette voie et sur cette sunna et sur cet islam, c'est uniquement par là, grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance, c'est entre les mains d'Allah. Le tawfiq, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'égarement également, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il raffermit qui il veut et il dévie, il fait dévier le cœur de qui il veut, subhanahu wa ta'ala. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بأن لا يزيغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc Allah سبحانه وتعالى nous enseigne dans le Coran de lui demander de raffermir notre cœur et de ne pas faire dévier notre cœur, après qu'il nous a guidé au droit chemin, comme il dit dans le verset 8 dans sourate Al-Imran, Rabbana, ô notre Rabb, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Wahab lana min ladunka rahma, et donne-nous une miséricorde venant de ta part. Innaka anta al-wahhab, c'est toi qui es celui qui est al-wahhab. Le cheikh dit, wa qala as-sahaba ridwanallahi alayhim, wallah, lawla Allah ma hadayna. ولا تصدقنا ولا صلينا. Les sahaba ils disaient, par Allah, si ce n'était de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait jamais donné en aumône ou donné en charité, et on n'aurait jamais non plus fait la salat non plus. Donc tout ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça nous incite à être reconnaissants envers lui. La cheikh il dit, يعني إنهم معترفون بأن الهداية من الله تعالى من وفضل منه سبحانه ورحمة منه لمن شاء من عباده يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc, يعني Allah سبحانه وتعالى, يعني les sahaba ils nous disent en disant que c'est par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى et c'est par sa miséricorde que on a fait la salat, qu'on a donné en sadaqa et qu'on a fait les ibadat et qu'on a établi l'islam, tout ça, ça veut dire qu'ils reconnaissent que la guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une faveur de sa part et que c'est une grâce de sa part et que c'est une miséricorde de sa part pour celui qu'il a voulu guider parmi ses serviteurs. Et il réserve une part de sa miséricorde ou sa miséricorde à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la grande grâce, yani. Ou une grâce immense, le détenteur d'une grâce immense. Le verset 74 dans sourate Al-Imran. يمتن على من يشاء بتفضل على من يشاء بالهداية ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف ويضل من يشاء إما بالضلال الكامل كالكفر والخروج من الإسلام عياذا بالله تعالى وإما الضلال الجزئي ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه عياذا بالله تعالى فهذا الضلال حصل بمشيئة الله والهداية التي نالها وإن كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى فالأمر كله له والحكم له سبحانه ونواصي العباد بيده وقلوب الناس بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعوه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الشيخ يقول ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il donne sa faveur à qui il veut, et il donne le mérite de la guidance à qui il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, et il dirige les gens vers le droit chemin, et il accorde sa guidance et son succès à qui il veut subhanahu wa ta'ala, et il leur accorde également son attention du fait de les protéger de l'égarement et de la déviation, et le fait de se détourner du droit chemin. Donc il égare qui il veut, et cet égarement là qu'on appelle en arabe ad-dalal, elle est soit un égarement total, comme par exemple le kufr ou le shirk al-akbar, ça c'est un égarement qui est total, complet, et il y a également, que Allah nous en protège comme le cheikh il dit, et également il y a ad-dalal al-juz'i, c'est-à-dire un égarement qui est partiel, c'est-à-dire c'est pas un égarement complet et total, c'est un égarement partiel, yani, du fait que quelqu'un peut être musulman, peut être dans l'islam, mais il a certains égarements, certaines erreurs dans sa croyance ou dans sa pratique, ou certains manquements, ou certaines faiblesses, et donc il est partiellement égaré dans ce sens-là. Et c'est pour ça que dans chaque salat, quand on fait, quand on récite Al-Fatiha, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et il y a des frères, parfois, quand tu leur dis Allah yahdik, ils se fâchent, Est-ce que, en voulant dire, est-ce que tu me dis que je suis un égaré? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'on a toujours besoin de guidance. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Allah subhanahu wa ta'ala augmente ceux qui ont été guidés en guidance. Il leur rajoute de la guidance à leur guidance. Donc tu ne dois pas te sentir mal lorsqu'un frère te dit « Allah yahdik », que Allah te guide. Au contraire, tu dois dire « Amin ». Tu dois être content de ça parce que c'est un dua qu'il fait pour toi, que Allah t'augmente en guidance. Donc si tu es déjà guidé et tu as besoin d'augmenter ta guidance, parce qu'on a tous besoin d'être augmenté en guidance, donc on doit être content de ce genre de dua et ne pas le prendre dans le sens négatif comme certaines personnes peuvent le comprendre parfois. Le cheikh il dit ensuite que donc il peut y avoir des égarements dans certaines personnes dans leur aqida ou dans leur manhaj et que Allah nous en protège. Donc le cheikh il dit que l'égarement ça arrive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la guidance, yani également, le cheikh il dit والهداية التي نالها وإن كانت ضائلة من يعني فهي من الله والأمر كله له. C'est-à-dire l'égarement ne peut arriver que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'irad al-kawniya, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que c'est la volonté universelle dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le qadar, qu'est-ce qu'il a prédestiné pour ses serviteurs comme une épreuve et comme un test. Et la guidance, Allah, elle vient d'Allah également. La guidance, elle vient également d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, toute l'affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala tout entière. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle absolu sur toutes les événements de ce qui se produit dans l'univers. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge dans toutes choses et il tient le toupet de chacun de ses serviteurs dans sa main, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cœurs de ses serviteurs sont entre deux de ses doigts. Il les tourne, il les fait tourner comme il veut. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاء. Il tient entre deux de ses doigts le cœur de tous ses serviteurs et il les fait tourner comme il veut. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ce dua de dire « Oh toi, celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Et dans une autre narration, « sur ton obéissance, à la ta'atik. » Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce dua lui-même et il nous a enseigné de le faire. Et donc, c'est très important pour nous aujourd'hui, et en particulier à cette époque, et en particulier là où on est, dans le pays dans lequel on vit, de toujours faire ce dua-là, tous les jours, à chaque instant, le plus souvent possible, parce que personne d'entre nous ne peut savoir en fait l'effet des péchés qu'on fait quotidiennement qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur notre cœur et comment ça peut parfois être la cause de l'égarement de l'un d'entre nous. Donc il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre cœur sur sa religion. Le cheikh il dit ensuite, وَالْإِنسَانَ لَا يُكَلُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ لو وكل الإنسان إلى أنفس لو وكل الناس إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنياهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء والأمور كلها بيده ونواصي العباد بيده وقلوب الناس جميعا بين أصبعين من أصابعه تعالى وتقدس سبحانه للشيخ الفي également il faut pas s'en remettre à soi-même dans quoi que ce soit des affaires de la religion ou de la dunya. Il ne faut pas s'en remettre à soi-même seulement. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné également un doua, « وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ » Ne me laisse pas à moi-même même un clin d'œil. Hein? C'est-à-dire yani, de demander ou de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas uniquement dépendre sur nos propres moyens et d'être en confiance avec soi-même dans les moyens qu'on utilise. Hein, et de savoir que même si on prend les moyens, il faut toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit de ce qu'on peut faire. Et si les gens étaient laissés à eux-mêmes dans les questions de religion ou dans les questions de dunya, eh bien ils auraient péri, ils auraient tous été perdus. Hein, ils auraient tous péri. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a toute chose entre sa main, hein, tout est entre sa main, et il tient ses serviteurs par le toupet, hein, par sa main, et il a le cœur de ses serviteurs entre deux de ses doigts, ta'ala wa taqaddasa subhanahu wa ta'ala. فإذا ثبت الله الإنسان فإذا ثبت الله الإنسان على دينه الحق وعلى منهج الله الحق وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله فلا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك ويتضرع إليه ويحفظ وأن يحفظ له دينه وأن يجنبه المزالق والزيغ سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite, lorsque يعني Allah سبحانه وتعالى a raffermi un individu ou un être humain sur la religion de la vérité et sur le manhaj de vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la croyance qui est bonne et qui est correcte, alors ça c'est une ni'ma qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelqu'un ne doit pas se laisser se tromper, yani, se laisser tromper et se laisser avoir, yani, se laisser donner l'impression que c'est par lui-même qu'il a été guidé, par son intelligence, hein, et par ses propres moyens, et qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grâce et de sa guidance, non. Parce que c'est pas par ta, par ton intelligence, c'est pas par tes propres moyens. Tu dis, moi je suis intelligent, donc j'ai découvert la vérité par mes propres moyens, parce que j'ai une force d'analyse, j'ai une intelligence très développée, j'ai une manière de comprendre les choses, donc ça y est, tu t'imagines que c'est pour ça que tu as été guidé seulement, hein. Non, ça peut être une cause dans le fait que tu as cherché la vérité, mais le tawfiq, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et être humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, d'être humble et de t'humilier, de te rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, et le remercier pour ce qu'il t'a donné de cette ni'ma, de cette grâce, hein, et de faire en sorte que, en t'humiliant encore plus devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve sur sa religion. Et il te garde encore plus fort sur sa religion également. Naam. Donc, et également, de faire en sorte qu'il te préserve de toute forme de chute, hein, et de toute forme de déviation qui pourrait t'égarer du droit chemin. Wala yaftar. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فنسأله في كل لحظة من لحظاتنا أن يثبت قلوبنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الآدم بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. لشيخ الذي أسويت دونك يفو بسيسي de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder, de nous préserver, de faire en sorte qu'on reste sur la vérité. Et il mentionne un verset dans Sourate Al-A'raf, le verset 99, qui dit « Et nul ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les gens qui sont les perdants. » Les gens qui sont les perdants sont eux qui se sentent à l'abri et en sécurité contre le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Du moment où tu penses ou tu t'imagines que ça y est, moi je suis guidé, je peux pas m'égarer. Allez, j'ai découvert l'islam, je suis sur le droit chemin, ça y est. Non, te sens pas à l'abri de ça, parce que c'est ceux qui se sentent à l'abri de ça, et qui ne s'humilient pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui sont dans le danger en fait, et qui risquent de se perdre. Donc à chaque instant, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir le cœur sur la guidance, de nous raffermir le cœur sur la vérité. Parce que regardez autour de vous les gens qui sont dans l'égarement, regardez autour de vous les gens qui sont déviés et qui sont perdus, hein. Et donc vous reconnaissez et vous voyez dans ce moment-là, en regardant ceux qui sont là autour de vous, vous reconnaissez et vous regardez l'immense grâce et l'immense miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné et vous a fait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, il faisait régulièrement et constamment le dua, ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui répétait constamment ce dua, eh bien elle a demandé, ô messager d'Allah, comment ça se fait que tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala par ce dua? Hein? Alors que c'est le messager d'Allah, hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur de l'être humain ou du fils d'Adam, il est entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le fait dévier, et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le met droit. والثبات مطلوب من المؤمن ويجب أن يسأل ربه ويثبته في كل موقف. فيجب أن يسأل ربه أن يثبته في كل موقف في الجهاد عند الموت يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه أن يثبته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لم يوجد ثبات ما وجد جهاد، ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات حتى ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. لشيخ الزي que le croyant il doit toujours être ferme et rester ferme, et c'est obligatoire pour lui de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans toutes les situations et dans tous les lieux et dans tout événement ou dans toute situation, comme dans le jihad par exemple, ou lors de la mort, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et avec soumission à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Et il mentionne le verset 45 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Oh vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, alors soyez fermes, hein, fasbutu. » On voit encore « sabat » encore une fois mentionné ici. « Wazkuru Allah kathiran » et souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, hein, pour que vous puissiez avoir le succès. Et le cheikh il dit que s'il n'y a pas de sabat, s'il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de jihad. Il ne peut pas y en avoir. Hein? Et il n'y a aucune valeur à un jihad sur lequel ou dans lequel il n'y a pas de fermeté dedans. Hein? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire descendre sa victoire. Mais à quoi ça sert d'avoir la victoire si quelques jours après ou quelques mois après, on revient en arrière comme on était avant. Est-ce que c'est ça la fermeté? Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'on dit, l'important c'est pas juste de dire, ça y est, j'ai réussi, je suis rentré dans l'islam, je suis dans le manhaj, hein. Non, mais c'est de rester ferme sur le manhaj. C'est pas, l'important c'est pas de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'établir l'islam quelque part, mais c'est de savoir qu'il nous a permis de rester ferme et de faire en sorte qu'on reste ferme et que l'islam continue par la suite, hein. Et regardez, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la da'wa et a établi l'islam à Al-Madinah, et que l'islam par la suite s'est répandu à travers les contrées, l'islam elle est restée ferme. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été établie, l'islam, et elle n'est pas disparue quelque temps par la suite, hein. Elle est restée ferme, et c'est ça l'important. L'important c'est al-thabat, c'est de rester ferme sur la vérité par la suite. Le cheikh il dit, فَإِذَا ثَبَتَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَنَاهِجِ الصَّحِيحَةِ وَثَبَتُوا فِي الْقِتَالِ أَمَامَ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاتَلُوا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْصُرَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَذَا الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ وَبِهَذَا الْجِهَادِ لِإِعْلَائِهِ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Le cheikh il dit donc que le croyant, lorsqu'il est ferme sur la aqida qui est la bonne aqida, et sur le manhaj qui est le bon manhaj, le manhaj correct, selon le Coran et la Sunna et la voix des salaf salih, et qu'ils sont fermes dans le fait de combattre l'ennemi, hein, alors ils combattent pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc dans ce cas, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire. Et de cette manière, l'islam est raffermi. Et quand on parle bien entendu du combat ou du djihad, ou d'affronter l'ennemi, bien entendu, on parle du djihad qui est légiféré dans le Coran ou dans la Sunna. Et on ne parle pas de qu'est-ce que les gens de Bid'a et les Khawarij de notre époque veulent faire et qu'ils prétendent que c'est un djihad. Et comme Cheikh Muqbil, rahimahullah, il disait toujours, ces gens-là sont les gens qui font le fasad sur l'ard, les gens qui font le désordre sur la terre. Et ce ne sont pas des gens qui font du djihad, hein. Le djihad, on le connaît avec les conditions, avec le dirigeant des musulmans, hein, dans les pays musulmans, avec l'armée derrière la bannière du dirigeant, et toutes les autres conditions qui sont mentionnées dans les livres de fiqh et dans les paroles des ulama, dans les livres de aqida, et non pas qu'est-ce que ces égarés font au nom de l'islam, et qui salissent l'islam et qui salissent les musulmans avec ce qu'ils font de terrorisme et de destruction sur la terre. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, mais c'est juste pour clarifier, puisque à l'époque dans laquelle on vit et à l'endroit dans laquelle on vit, il y a tellement d'ignorance et tellement d'ambiguïté parfois, qu'il faut clarifier et spécifier à chaque fois qu'on mentionne ces choses-là, pour faire en sorte que les gens comprennent clairement de quoi on parle, hein. C'est très important à l'époque actuelle. Parfois vous allez écouter les paroles des ulama et ils vont passer sur un sujet sans mentionner les détails. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent à des toulab al-ilm qui ont étudié ces chapitres, qui ont étudié ces questions en détail dans d'autres durus, dans d'autres livres de fiqh. Ils savent déjà ces questions-là, ils savent les détails, et donc ils ne rentrent pas dans les détails de ces questions-là à chaque fois qu'ils en parlent. Mais ceux qui ne savent pas, et ceux qui n'ont pas étudié, et ceux qui n'ont pas de fondement ou de base dans l'ilm, eux, ils entendent les ulama mentionner ces choses-là, ils s'imaginent d'autres choses. Et ils pensent que les ulama parlent d'autres choses, donc nous, parfois, on est obligés de spécifier pour éliminer les doutes et les ambiguïtés, et pour faire en sorte que les choses soient claires parmi nous, d'accord? Donc, le cheikh, il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'on a besoin de sabbat, hein, même dans le moment où on va faire le djihad, fi sabilillah, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le but du djihad. C'est pas pour les territoires, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les biens des kuffars ou autre chose, c'est pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Et c'est ça qui est dans le sentier d'Allah. Le cheikh il dit, والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت ولا يفر والفرار من الزحف إحدى الكبائر المهلكة والعياذ بالله كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا اتسع له الوقت. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. Le cheikh il dit, donc le but c'est d'être ferme sur le champ de bataille lorsqu'on fait le djihad et de ne pas tourner le dos et ne pas s'enfuir. Ça aussi c'est important de comprendre ça, qu'il faut rester ferme et pas s'enfuir, parce que ça, ça fait partie d'un parmi les plus grands péchés, qu'est-ce qu'on appelle le kaba'ir, hein, de tourner le dos et puis de partir en fuite devant l'ennemi. Et donc ça c'est quelque chose qui est très dangereux, car Allah nous en protège. Donc le cheikh ici, on va peut-être parler de ça si on a le temps dans le hadith qui parle des grands péchés, si on a le temps de parler de ça, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion, de nous raffermir ainsi que vous-même sur sa religion. Et puis ensuite il dit wa kama qulna inna Allah ya'muru bil i'tisam bi hablihi ba'da hadhihi al-aya allati talawnaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الاعتصام معناه الثبات اثبتوا واستمسكوا يساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ عليه إلى الممات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه والاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل على ما جاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عقيدة ومنهج فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق. Donc le cheikh il dit, et comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne l'i'tisam, il nous ordonne l'i'tisam, c'est-à-dire de rester accroché fermement à sa religion, hein, et au câble, bihablihi. Et al-habl, les ulama ils l'ont expliqué, que c'est le Coran et c'est la Sunna, hein, de rester fermement accroché à ça. Donc, dans le verset 102 et 103, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en état de soumission ou qu'en état musulman, hein. Et accrochez-vous fermement, tous ensemble, au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez tous des ennemis les uns des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il vous a uni les cœurs et vous êtes devenus des frères. Et vous étiez au bord d'un abîme de feu, et il vous en a sauvé, hein, il vous a sauvé de cet abîme-là, hein. C'est-à-dire, ils étaient dans le kufr, dans le shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à l'islam et au tawhid. Et il a uni leur cœur par ça, hein, il les a sauvés de l'enfer. Donc, c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être guidés. Et donc, al-i'tisam, le cheikh, il dit al-i'tisam, ça veut dire al-sabat, ça veut dire de rester ferme, de s'accrocher. C'est pas de prendre la religion comme ça, de façon molle, de façon légère. Non, de façon avec la fermeté, hein, de rester accroché ferme, d'avoir le pas solide et le pas ferme, pour pas glisser, pour pas tomber, hein, de s'accrocher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à rester ferme sur l'islam. Et il nous incite, hein, de rester ferme et de s'accrocher. Et donc, il nous indique également de préserver cette religion, hein, et de rester dessus jusqu'à la mort. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en étant en état de soumission, qu'en étant musulman. Et donc le cheikh il répète encore une fois ce verset-là, et accrochez-vous tous au câble d'Allah, et ne vous divisez pas, et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et Allah par sa grâce, il vous a uni les cœurs, et vous êtes devenus des frères, et vous étiez au bord d'un abîme de feu, et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah clarifie pour vous ces signes, pour que vous puissiez être guidés. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah dit « Et suivez ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur pour vous. Et ne suivez pas d'autres choses en dehors de ça, hein, d'autres awliya en dehors de ça, et peu d'entre vous, hein, peu, comme peu vous vous en souvenez, hein, vous vous en rappelez très peu de ça. » Et il mentionne les versets de 30 à 32 dans Surat Fussilat. Il dit, et ceux qui disent, Rabbun Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, notre Rabb, c'est Allah, puis qu'ils se mettent droit, ils se mettent droit, istaqamu, al-istiqama, hein, du fait de chercher à être droit, et de chercher la rectitude et la droiture, hein, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et puis qui cherche la droiture et qui se met droit, les anges descendent sur eux au moment de leur mort, et ils leur disent, ne craignez pas, et ne soyez pas tristes, et prenez la bonne annonce et la bonne nouvelle du paradis qu'on vous avait promis et qu'on vous avait annoncé. Nous sommes vos alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et vous aurez tout ce que les âmes désirent dans le paradis et tout ce que vous demandez. Hein, tout ça, ça va être une provision de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nuzulan min ghafurin rahim, d'un pardonneur et miséricordieux. Donc tout ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, et le cheikh il dit, هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه. Donc ça c'est les éloges, les louanges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran au sujet de ceux qui sont restés fermes sur sa religion. Hein? Et le cheikh explique que al-istiqama, le fait de rester droite, de se mettre droite et de chercher la droiture, ça c'est al-sabat, c'est d'être ferme sur la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également ce qui a été amené par tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est-à-dire dans l'aqidah et dans le manhaj, hein, tous les anbiya nous ont ramené une seule et même voie, hein, et donc ceux-là qui se mettent droit et qui suivent la droiture et qui s'accrochent fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ce degré-là, et ce niveau-là, hein, et du fait qu'ils ont été fermes sur la religion de la vérité. « قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ أَمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى حَقَّ الْإِيمَانِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَأَنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقِّ فَلَا يَعْبُدُونَ سِوَاهِ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ الْرُبُوبِيَّةِ وأنه هو الخالق هذا الكون ومدبره ومنظمه وهو الخالق الرزاق هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر صفات الربوبية وأسماءه الحسنى اللائقة بجلاله وعظمته وربوبيته التي وردت في القرآن والسنة نؤمن بها كما جاءت وهي داخلة في هذه الاستقامة. Le Cheikh il dit, ceux qui disent Rabbun Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est-à-dire notre Créateur, hein, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et on croit d'un iman, d'une foi qui est correcte et qui est vraie et qui est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms, en ses attributs, et en sa rububiyya, en sa souveraineté, hein, et de croire également qu'il est al-ma'boud al-haq, qu'il est celui qui mérite l'adoration, le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, hein. Et donc, il n'adore rien, il n'adore personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh ici, il est en train de nous expliquer que ce sont ceux qui, quand ils disent Rabbun Allah, ils affirment les trois catégories de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Uluhiyya, et tawhid al-Asma'i wa sifat. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer, les cheikhs, de façon résumée. Donc, il dit, ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala sa souveraineté. Et ils affirment que c'est le créateur, parce que al-Rububiyya, c'est ce que ça implique. Ça implique quoi? Ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Khaliq, le créateur de cet univers. C'est lui qui dirige et qui gère tout ce qui se produit dans l'univers. Et c'est lui qui organise tout ce qui se produit dans cet univers. Et qu'il est le créateur, et qu'il est le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à sa création. Et qui est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Hein, ainsi que toutes les autres attributs qui font partie des attributs de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa rububiyya. Hein. Parce qu'il y a des gens de bid'a qui limitent la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala à cet aspect-là uniquement et qui pensent que c'est suffisant de croire en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être un musulman. Et on sait tous, si on a étudié les livres des ulama qui nous expliquent le tawhid, que c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seul Allah qui mérite l'adoration. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Contrairement à ceux que, lorsqu'ils traduisent al-shahada, lorsqu'ils traduisent le témoignage de l'islam, le premier pilier de l'islam, quand ils disent la ilaha illallah, ils le traduisent en disant, il n'est de Dieu que Dieu. Et ça, pour vous dire franchement, ça ne fait pas quelqu'un entrer dans l'islam, de dire ça de cette manière-là, parce que ça n'a aucune signification. Il n'est de Dieu que Dieu, ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Mais de dire il n'y a de Dieu que Dieu, ça ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam. Parce que même les mouchriquins de Quraysh, ils disaient il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu. Ils disaient ça aussi, Abu Lahab et Abu Jahl, hein, et les chrétiens et les juifs, ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, il n'est de Dieu que Dieu aujourd'hui. Si vous demandez à des chrétiens, allez voir n'importe quel chrétien, n'importe quel juif, et dites-leur, dites il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce que ça vous cause un problème de dire il n'est de Dieu que Dieu? Et il n'y en a aucun d'entre eux qui vont refuser de dire ça. Alors que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aux mouchriquins à son époque, dites la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils se mettaient en colère et ils refusaient de dire la ilaha illallah parce que pour eux ça impliquait quelque chose de très grave pour eux. Ça impliquait pour eux qu'ils devaient arrêter d'adorer les idoles. Et c'est ça qu'ils craignaient, c'est ça qu'ils voulaient pas. Hein? C'est pas juste de dire il n'est de Dieu que Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient qu'il y a un créateur. Hein? Voilà, in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Et si tu leur demandes qui les a créés, si tu leur demandes aux mouchriquins qui les a créés, ils vont dire Allah. Si tu demandes aux chrétiens qui les a créés, ils vont dire c'est Dieu. Si tu demandes aux juifs qui les a créés, ils disent c'est Dieu. Hein? Et donc c'est pas de dire il n'est de Dieu que Dieu qui te fait devenir musulman. Mais c'est de dire, rien ne mérite d'être adoré, excepté Dieu. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, quand vous allez dire ça à des gens, même qui aujourd'hui, des gens qui se disent musulmans, hein, et qui prient 5 fois par jour, et qui font le hajj chaque année, hein, et qui disent la ilaha illallah du matin jusqu'au soir, et qui répètent le adhan dans les pays musulmans, à chaque fois qu'ils entendent le adhan, vous leur dites, hein, de dire ça, et malgré qu'ils le disent, malgré qu'ils font toutes ces choses-là, ils vont voir le wali dans sa tombe, ils vont voir le cheikh un tel ou le wali un tel à sa tombe, ils vont lui demander de leur donner quelque chose de subsistance, de leur donner un enfant ou de leur donner un risque quelconque. Et ils pensent qu'il n'y a rien qui contredit l'islam dans le fait de faire ça. Parce que pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu. Et donc, le fait de reconnaître qu'il y a un créateur, un maître de l'univers et tout ça, pour eux, ce n'est pas en conflit avec le fait d'adorer, de demander la faveur et les bénédictions et le risque ou d'autres choses à un mort ou à une tombe. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre ça et d'expliquer ça. Parce que même vous allez lire les livres des orientalistes et des koufars, il y en a qui écrivent des livres pour expliquer l'islam, et puis vous voyez la traduction du premier témoignage, du premier pilier de l'islam, ils traduisent le témoignage en disant « il n'est de Dieu que Dieu ». Et souvent, et même, même avant l'islam, avant que j'accepte l'islam par exemple, je lisais les traductions que ces gens-là faisaient du shahada et je me disais, ben, je vois pas vraiment la force de cette shahada quand on le traduit de cette manière-là, ça nous donne pas toute sa vraie valeur et toute sa grande signification, hein. Et quand tu expliques à un non-musulman, juste lui expliquer la vraie signification de la ilaha illallah, juste ça c'est une da'wa en soi. De lui expliquer la ilaha illallah comme il faut, dans sa vraie signification, quand tu lui dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, juste ça, c'est très puissant, c'est très fort dans la da'wa. Et il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont même pas compris ça encore. Ils pensent qu'il faut rentrer dans les miracles de la science, des preuves du Coran et des choses comme ça. Et ils laissent de côté la plus importante des choses dans l'islam, c'est-à-dire la shahada, la ilaha illallah, ça c'est la chose la plus puissante. Et c'est pour ça que les mouchriquins de Quraysh ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et à Médine, et ils ont tout fait pour l'arrêter juste parce que il disait la ilaha illallah, une petite parole. Est-ce que vous pensez que cette parole-là c'était juste de dire il n'est de Dieu que Dieu? Certes non, c'était pas de dire il n'est de Dieu que Dieu. Hein? C'est ce que le cheikh il nous explique ici, il dit c'est premièrement également d'affirmer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les beaux noms qu'il s'est affirmé pour lui-même, et également qui correspondent à sa majesté et à sa grandeur et à sa souveraineté et qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et de croire en ces noms et en ces attributs-là tels qu'ils sont mentionnés dans la révélation. Donc ça aussi ça fait partie de al-istiqama. Et ensuite il dit wal imanu bi annahu la ilaha illahu la ma'buda bihaqqin illahu subhanahu wa ta'ala فلا نعبد إلا إياه ونخلص له الدين سبحانه وتعالى ونحبه غاية الحب ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية ونرجوه ونطمع فيما عنده في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ونصلي له ونسجد له ونحفظ ونزكي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن كل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى هذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع. Donc le cheikh dit c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. La ilaha illahu. La ilaha, il n'y a pas de ilah. Et al-ilah, c'est al-ma'boud. C'est qu'est-ce qui est adoré par les hommes. La ilaha illallah. Illahu. Il n'y a pas de ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'bouda bihaqqin illallah. Les ulama, ils ont expliqué que quand on dit la ilaha, il n'y a pas rien qui mérite d'être adoré. Pourquoi on dit qui mérite d'être adoré? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'aliha. Il y a beaucoup de choses qui sont adorées par les êtres humains sur la terre. Il y a plein d'idoles. Il y en a qui pensent que le shirk, il y avait un ancien shirk, c'était l'idolâtrie, et que ça c'était le shirk des gens simples, hein, qui ne connaissaient pas la technologie, les choses modernes. Et que ça c'est passé date maintenant, ça n'existe plus, et ça c'est faux. L'idolâtrie, le fait d'adorer les idoles et de se prosterner devant les statues, tout ça, ça existe encore aujourd'hui, à notre époque, hein. Et vous voyez des gens qui sont des médecins, des ingénieurs, des docteurs, hein, avec veston, cravate et tout, et quand ils rentrent dans les temples bouddhistes ou dans les églises chrétiennes ou dans les cimetières ou les tombes, ils vont se prosterner. Ils vont se prosterner devant ces créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur niveau élevé en science ou en d'autres domaines de la dunya. Hein? Et donc il faut savoir que le fait d'avoir une science dans la dunya, ça ne protège pas de l'égarement dans la religion et dans la croyance. Hein? Donc ces formes de shirk, elles existent encore aujourd'hui et peut-être même parfois plus chez certains égarés qu'avant. Hein? Et donc il y a cette forme de shirk là, et bien entendu il y a d'autres formes également aussi, mais c'est juste pour faire comprendre que yani la ilaha, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont adorées, il y a des aliha, plusieurs, mais elles ne méritent pas d'être adorées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont pas les qualités de ar-rububiyya, car seul Allah subhanahu wa ta'ala possède la souveraineté et possède des attributs de la rububiyya. Tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas ces attributs-là, ils n'ont pas ces qualités-là, et donc ils ne méritent pas d'être adorés. Et c'est pour ça qu'on rajoute bihaqtin. Hein? La ma'boud bihaqt. Il n'y a personne qui le mérite, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre cette signification, parce que c'est ça la signification du tawhid. Et c'est à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les hommes à son époque. Et c'était pas de dire aux hommes, il n'est de Dieu que Dieu. Parce qu'il n'est de Dieu que Dieu, ça ne fait pas de quelqu'un un musulman. Ça ne fait pas de quelqu'un un musulman. Hein? Le simple fait de dire, je crois qu'il y a un créateur, ou je crois qu'il y a un être suprême, ou je crois qu'il y a une force qui existe. Hein? Le fait de reconnaître ça, alors que tu continues à adorer d'autres qu'Allah, ou que tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne l'adores pas comme il t'ordonne de l'adorer, ça ne fait pas de toi un musulman. Donc c'est ça ce que le shaykh nous explique, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc on doit purifier notre religion et la rendre exclusivement pour lui dans notre adoration, et qu'on l'aime du plus fort de notre amour, et qu'on le craint du plus fort de notre crainte, et qu'on espère, hein, on espère en qu'est-ce qui est auprès de lui dans cette dunya et dans l'akhira. Hein, on espère et on souhaite sa miséricorde, et on souhaite et on espère son paradis et sa récompense, subhanahu wa ta'ala, et on prie uniquement pour lui, et on jeûne uniquement pour lui, et on se prosterne uniquement pour lui, et on se purifie et on donne la zakat uniquement pour lui, et on récite le Coran pour lui. Tout ça on le fait pour se rapprocher à lui, pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça sont des moyens pour nous de rester fermes et de rester droits sur la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça sont des signes de al-istiqama. Et donc lorsqu'on reste sur ces principes et sur ces préceptes et sur ces règles de l'islam, ça c'est des signes qu'on est accroché à notre religion et qu'on reste ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que celui qui est resté ferme sur le tawhid et qui a bien compris le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a bien compris al-iman billah, et qui a bien compris la définition et la signification de la ilaha illallah, c'est beaucoup plus facile pour lui de rester ferme sur l'islam et de s'accrocher à l'islam que n'importe quelle autre personne qui est limitée dans sa connaissance et dans sa compréhension de la ilaha illallah. Ça c'est la base, ça c'est la base de al-sabat. C'est la base du fait de s'accrocher et de rester ferme sur cette religion-là. Et donc, ça c'est très important. Et le Cheikh dit « وَهَذِهِ مِنَ الدَّلَائِلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَفَّقَكَ إِنْشَاءَ اللَّهِ وَأَنَّكَ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا الثَّنَاءِ وَيَسْتَحِقُّونَ مِنَ اللَّهِ هَذَا الْوَعْدِ وَهَذِهِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَةِ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ عندما يحتضر العبد، عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوضيعها والرحلة إلى الدار الآخرة. ينزل الله الملائكة يبشرونهم ويثبتونهم ويسددونهم ويذهبون علي عنهم المخاوف أن لا تخافوا ولا تحزنوا ولا لا تخافوا من المستقبل مما أمامكم مما أمامكم فما أمامكم إلا الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد وغير ذلك هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب فهذه مرحلة خطيرة جدا فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم لشيخ الزدانك que tout ça ce sont des signes lorsque tu as compris ces bases lorsque tu as compris ces principes ce sont des signes que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le tawfiq sur la guidance et sur le fait de rester ferme sur la religion inshallah et que tu fais partie de ceux qui sont sur le droit chemin et que tu fais partie de ceux qui méritent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ces éloges qu'il a fait dans ce verset de surat Fussilat, ceux qui méritent cette promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va leur donner cette attention particulière au jour de la résurrection du fait qu'il va faire que des anges descendent sur eux, des anges descendent sur eux en leur disant n'ayez nulle crainte et n'ayez nulle tristesse, aucune tristesse également. Quand est-ce que cette descente se produit? Le cheikh il dit c'est lorsque le musulman arrive au moment où son âme va être prise, au moment où il va être séparé de cette dunya et qu'il va dire adieu à cette vie et qu'il va commencer son voyage vers l'au-delà, Allah a fait descendre des anges qui lui annoncent ou qui leur annoncent et qui les raffermissent et qui les mettent sur la droiture et qui leur enlèvent cette crainte qu'ils ont en eux-mêmes. Le cheikh dit Allah takhafu wa la tahzanu. Qu'ils n'auront pas de crainte. C'est-à-dire, les anges disent ne craignez rien. Et ne soyez pas tristes. Le cheikh il explique ne craignez pas qu'est-ce qui est devant vous dans l'avenir. Ne craignez pas qu'est-ce qui va suivre. Il n'y a devant vous que le paradis et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les annonces que les anges viennent faire à ces gens-là, à ce moment-là. Et ne soyez pas tristes de ce que vous avez laissé derrière, de vos biens, de vos enfants, de vos familles, parce que ça, ce sont des bonnes nouvelles que les anges viennent apporter à ces gens-là qui ont été fermes sur la religion d'Allah, de vérité, cette religion de vérité d'Allah, à ce moment qui est un des moments les plus difficiles dans l'existence d'une créature, le moment de sa mort, le moment où il est séparé de son corps, le moment où il quitte cette dunya, et qu'il commence ce voyage qui est très dangereux vers l'au-delà, parce qu'il y a certaines personnes qui ont une mauvaise fin, wal'iyadu billah, que Allah nous en préserve, sous khatima, d'avoir une mauvaise fin, donc le cheikh dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermer, nous-mêmes ainsi que vous-mêmes, sur sa religion. Et je crois qu'on va s'arrêter ici pour l'instant, Inch'Allah, et aussitôt qu'on a la prochaine conférence, Inch'Allah, on continuera dans l'explication de ces paroles du Cheikh Rabi' al-Madkhali, Hafizahullah. On demande à Allah qu'il mette ces choses dans sa balance de ses hasanat au jour de la résurrection. Et qu'il prolonge ta vie. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.